On va parler de la NCAA avec, et de la NBA avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça va? Oh, bien, ça va bien. Pascal, c'est rare que je parle de NCAA avec toi. Je garde ça pour Peter. Mais toute une nouvelle la semaine passée. Pour les gens qui. C'est des noms qu'on n'entend pas parler beaucoup, là, mais dans 2-3 ans, dans la, si, les gens qui suivent la NBA vont en entendre parler énormément. Duke a recruté, parce que c'est la période de recrutement actuellement. Pour la prochaine année, on sait que c'était déjà annoncé qu'R.J. Barrett allait s'en aller avec Duke, qui est le meilleur joueur potentiellement de l'histoire du Canada, meilleur que Steve Nash encore. Et là, la semaine passée, on a récidivé avec deux autres, dont Zion Williamson, que tu m'as déjà dit que ce gars-là pourrait déjà jouer dans l'NBA actuellement, et aussi Calvis Randish. Et ça, c'est trois joueurs dans les 10 meilleurs actuellement, ou même 5 meilleurs qui sont dans le recrutement. Non. Ouais, non. C'est 3 joueurs qui sont classés 1, 2 et 3. Par ok, oh, 1, 2, 3. Tout vient de signer le numéro 1 au secondaire, le numéro 2 au secondaire et le numéro 3. Personnellement, là, ça nous ramène au Fab Five. L'équipe du Michigan qui a pu commencer. Ça, c'est Weber, Jalen Rose, Juwan Howard, puis il y en avait deux autres qu'on n'a pas vu dans la NBA par contre. Ouais, Ray Jackson. Ouais, ben Ray Jackson, pas. Je pense qu'il y a peut-être 2 minutes, puis Jimmy King qui joue pour les Raptors aussi. Ok, donc il y en avait 4 des 5. Okay. Regarde, là, si tu regardes l'équipe de Duke en ce moment, ils ont un des meilleurs joueurs avec Marvin Bagley. Ouais. Si jamais Marvin Bagley, moi je pense qu'il sera plus là l'année prochaine, il va être probablement dans les 3 premiers choix de la NBA. Fait que là, tu sais ce que ça me dit, c'est que Duke maintenant va après les joueurs, comme Kentucky faisait. Beaucoup des joueurs allaient à Kentucky parce que c'est un système peut-être plus, tu vas jouer un an, tu t'en vas dans la NBA. Mike Krzyzewski n'avait pas cette réputation-là, maintenant il faut qu'on lui donne cette réputation-là. Fait que c'est souvent d'être prêt à reconstruire l'année d'après. Fait que là, t'as 1, 2, 3 du secondaire qui s'en vont à Duke. Ces trois joueurs-là, Danny, ils vont pas faire 2-3 saisons à Duke. Ils vont en faire une, puis c'est fini dans la NBA après. OK. Mais la raison que je te parle, c'est Coach K. Coach K doit avoir une influence terrible là-dedans. Lui, quand Coach K appelle pour te faire ton recrutement, là, tu sais. Quand Coach K appelle pour te parler, soit toi comme athlète ou à tes parents pour te recruter, je pense que tu libères ton agenda puis tu. Oui, c'est ça. On est prêt à venir vous voir. Donc c'est ça. Maintenant, Doug, ça va être terriblement fort l'an prochain, ça va être incroyable. Doug, c'est toujours fort année après année. Allez rapidement, l'NCAA, puisqu'il y a question de l'NCAA, Kentucky qui est sorti des 25 premiers. Ça c'est quasiment, je me rappelle plus d'avoir vu ça. La seule chose que je vais te dire par rapport à ça, c'est peut-être la raison pourquoi ces trois joueurs-là ont décidé d'aller à Duke. OK. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à Kentucky, mais c'est peut-être la nouvelle vague, ça va être les top joueurs d'aller à Duke. OK. Donc, c'est toute une nouvelle qui s'est passée. On va maintenant parler de la NBA. LeBron, écoute, je tenais d'en parler. On va rapidement là-dessus, 30 000 points. Le plus jeune joueur de l'histoire. C'est un événement historique ce qui s'est passé cette semaine. On en a parlé dans la dernière entrevue. 38 000 points, tu penses toi que c'est impossible? Ça va être très difficile. Hein? Je pense pas qu'il va aller chercher qu'il va dépasser ou surplanter Kareem Abdul-Jabbar. Mais surtout que c'est le plus jeune à 33 ans. C'est quoi les journées là? Mm. Mais ce qui est impressionnant, c'est que LeBron James a jamais été un joueur à une dimension qui était de marquer des points. Mm. C'est un joueur qui est plus à la Oscar Robertson, à la Magic Johnson, que Kobe Bryant ou Kareem ou Carmelo qui sont devant lui. Là. Mais il faut juste mentionner, Danny, que dans l'histoire de la NBA, il y a seulement 7 joueurs qui ont atteint ce plateau-là de 30 000 points. Donc, c'est quand même impressionnant ce qu'il fait. Puis c'est impressionnant ce qu'il fait à sa 15e saison dans la NBA physiquement. Là. Mm. Est-ce qu'il serait capable? Moi, je pense que oui. Là. Il y a rien que je peux enlever à LeBron James si ça y tente de faire ça, mais vu que c'est pas dans sa mentalité de faire 28-30 points par match, peut-être que dans les années qu'on va voir, il va comme prendre moins de tirs ou puis le pire c'est qu'il prend pas tant de tirs, son pourcentage de tirs il est quand même impressionnant là, dans sa carrière là. Mm. Fait que c'est pas quelqu'un qui est à 40% puis qui prend 30 tirs par match là. Donc oui, c'est peut-être une affaire positive dans une saison comment que je pourrais dire ça? Je vais dire l'expression en anglais. C'est comme un soap opera à Cleveland en ce moment, avec tout ce qui se passe, Danny, Kevin Love. Juste te donner un exemple, le dernier match contre les Spurs, il a reçu un coup à la tête, il est tombé par terre, puis Jay Crowder, au lieu de l'aider à se lever, il a marché par-dessus. Il n'y a aucun de ses coéquipiers qui a couru sur le terrain pour le lever. Ça, pour moi, c'est un signe là, que cette équipe-là, il y a des échanges qui vont se faire au mois de février. Ben, l'entraîneur, mais ça va très, très, très mal en ce moment. C'est-tu comme l'autre année? Parce que rappelle-toi, les Cavaliers, c'est l'an passé. C'est pire, Danny. Oui, mais les Cavaliers, l'an passé, écoute, ils étaient comme ça. Il y avait une constance. Il y avait Kyrie Irving. OK. Tu sais, regarde, Jay Crowder fait pas le boulot. Isaiah Thomas, il est pas prêt à jouer. La chimie de cette équipe-là, elle est... Leur meilleure phase cette année dans la NBA, c'est quand José Calderon était le meneur. Oh, puis Calderon était un bon meneur, mais par contre, c'est bonjour, ça s'est passé. Mais pourquoi tu changes quelque chose qui fonctionne? Parce que tu dois donner du temps à Isaiah Thomas. J.R. Smith contre les Spurs, 0 points. Ah non. Écoute, ça va exploser à la défense de l'entraîneur-chef. T'as des joueurs qui n'ont pas fait le camp d'entraînement. Iman Shumpert, il est revenu hier ou avant-hier dans le match des Spurs. Comme entraîneur, là, t'as du personnel qui sont blessés, qui reviennent, qui s'en vont. Tu dois ajuster. Supposément que la venue de Dwayne Wade fait que LeBron James est beaucoup plus avec son ami qu'avec son coéquipier. Fait que ça fait une genre de frustration dans cette équipe-là. Ça va très mal. Moi, je pense que Kevin Love ne sera pas là après le match d'étoiles. OK, parce que la date limite, c'est le 8 février, la date limite des échanges dans l'NBA. Pascal, je veux te parler d'un autre joueur, que le diable s'en va être aux vaches, c'est à San Antonio, que Shade Leonard, qui est un des bons joueurs des Spurs, est-ce qu'il va être échangé, lui? Non. Non. Ce qui se passe en ce moment, c'est que son entourage, on n'en a pas parlé, en particulier son oncle, il n'est pas content de la façon que la période de récupération de sa blessure fonctionne. Il trouve que les Spurs n'ont pas bien géré cette situation-là. On s'en souvient l'année passée, il s'était blessé, il est revenu au jeu, et là, il s'est re-blessé. Et je pense qu'en ce moment, il y a une situation qui se passe à San Antonio. C'est très rare qu'on entende du négatif de cette organisation-là. Mais Tony Parker aussi qui a perdu son poste. Non. Ça, Danny, là, c'était... Popovich était assez avec Tony Parker. Il a dit à Tony, regarde, on va commencer de lanter... Devante à ta place, puis Murray, Delante Murray, je pense. On va commencer à ta place. C'est un meneur, c'est un jeune. Juste te donner un exemple, le match contre les Spurs, je pense qu'il y a 19 points, 15 rebonds. Là. Tony Parker, il a dit, gars, j'ai pas de problème, mon temps est fait, comme dans le 5 partant. Mais puis ça, c'est bon pour Tony Parker parce que ça va y acheter encore peut-être quelques saisons de plus. Plusieurs millions de plus. San Antonio, c'est une organisation exemplaire dans tous les sports d'équipe. C'est une organisation qui croit en ses athlètes, qui croit en son entraîneur qui est là depuis 1997-96. Fait que non, je m'inquiète pas. Puis du côté de Kawhi Leonard, comme j'ai dit, c'est une des premières bémols dans l'organisation. Mais je pense que c'est un problème au niveau médical. La communication entre l'organisation des Spurs et l'entourage de Kawhi Leonard sont pas contents de ce qui se passe. Okay. Ça, c'est normal. Quand Kyrie Irving s'était blessé, je sais pas si tu t'en souviens, il y a quelques années dans les finales, le père de Kyrie Irving était fâché contre Cleveland de l'avoir fait jouer dans le match. Fait que ça l'arrive, c'est normal. Tu veux protéger ta famille ou tu sais, quand il y a une blessure, c'est jamais le fun. Ah, c'est clair. Congédiement cette semaine des entraîneurs chez les Bucks de Milwaukee, Jason Kidd est parti. Ça n'a rien à y comprendre. OK. Est-ce que tu sais comment il l'a appris? Non, mais tu vas me le dire. Yanis Antetokounmpo a appelé Jason Kidd. Ça, c'est la grande vedette des Bucks. Pour les gens qui se posent des questions, c'est la grande vedette des Bucks. Écoute ça, Danny. Là. Ouais. Yanis, il appelle Jason Kidd. Allô, Jason, c'est Yanis. Écoute, qu'est-ce que je peux faire pour pas qu'il te mette dehors? Jason Kidd, il dit, ils vont me mettre dehors. Il était pas au courant. C'est son joueur vedette. C'est incroyable. Il le savait pas encore. L'organisation avait dit à Yanis, écoute, on veut faire un changement, on va mettre Jason Kidd dehors. Ouais. Fait que là, lui, il a appelé Jason Kidd pour dire, Jason, qu'est-ce que, coach, qu'est-ce que je peux faire pour te garder? Je peux aller parler avec la propriétaire. Jason Kidd, il dit, de quoi tu parles? Ben, il t'a dit, il était même pas. Il a appris comme ça. Pense-y. Et moi, je veux juste te dire quelque chose. Jason Kidd a quitté les Nets sur un contrat à long terme. Il a dit non, je veux m'en aller à Milwaukee. Parce que les propriétaires de Milwaukee, c'est des amis personnels de Jason Kidd. C'est des gars qui ont fait des gens dans les Internet, quelque chose comme ça. Puis, fait que c'est bien bizarre. Mais cette organisation-là, là, des Bucks, en passant, tout ce qui est propriétaire puis management, c'est des gens que même le monde dans la NBA, on les connaît pas. C'est des inconnus. Fait que ça va être une histoire à suivre, à voir qu'est-ce qui va se passer, là. Mais personnellement, je trouve ça ridicule que Jason Kidd... Écoute, les Bucks sont en 8e place. Ils performent quand même assez bien. Il n'y a aucune raison, là. Si un coach devrait être mis dehors en ce moment, c'est probablement Tyronn Lue, là. On est d'accord avec ça? Ouais. Tu sais, ouais. Ça marche pas du tout. Ça, c'est, tu viens de perdre, je pense, 9 sur 12 ou 10 sur 13 matchs. Puis l'autre, Jason Kidd, il fait un bon boulot avec Milwaukee. Ils sont dans les playoffs ça, encore. Ça arrive souvent. Tu sais, quand une organisation il fuck, là, je me rappelle, moi, des Devils, des Panthers de la Floride, qui ont congédié il y a 2 ans Gérard Gallant. Ça allait nulle part. L'équipe allait bien, puis Gallant perd sa job. Tu sais, des fois, il faut se poser des questions. Tu sais, écoute, si tu me dis que l'organisation ne la connaît pas, ben ça en dit long sur hein? C'est un instant. Absolument. OK. Les Raptors. Ça va bien, encore une fois, c'est vraiment très régulier. Comparativement aux Celtics qui, eux, hier ont gagné à Los Angeles, sur la côte ouest. Les Celtics, ils mettaient fin à une série de 4 défaites. Les Raptors n'ont pas vraiment connu cette année de passage à vide. Est-ce que ça va arriver? Ben, peut-être, mais je pense qu'ils sont mûrs. Il y a une constance dans les entraîneurs, avec les joueurs. On a fait des bons échanges. Serge Ibaka fait un beau travail. Moi, je pense que cette équipe-là, elle est due pour se rendre en finale de l'Est cette année, puis pourrait même surprendre. Okay. Si j'étais dans l'organisation des Raptors en ce moment, là, je pense finale NBA contre les Warriors. Contre les Warriors, OK. Absolument. OK. Donc, c'est intéressant. Et en passant, Kyle Lowry, oui? Dans les réservistes. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Match des étoiles. Dans les réservistes, c'est DeMar DeRozan dans le 5 partant pour le match d'étoiles. Puisque je veux te parler, je suis en train d'oublier, je voulais t'en parler de ça. LeBron James a mentionné il y a environ une semaine qu'il souhaitait avoir un match d'étoiles plus compétitif. La NBA, là, c'est un peu ridicule, le match d'étoiles, comme la Ligue nationale de hockey, c'est un peu ridicule, c'est une joke. Là. Ça finissait à 70 à 158. T'sais, c'est pas vraiment du basket. Mais Daniel, je vais t'arrêter 2 secondes. Ouais. Je t'arrête. Un match d'étoiles. OK? C'est fait pour les commanditaires. Ça. Ouais. Mais pense-y, est-ce que Carey Price va aller se démener comme un malade mental pour essayer de gagner ce match-là? Non. Pense-y, là. Fait que là, on trouve des solutions. Dans la NBA, pourquoi ça finit 170 à 100, à 180, 170? Il n'y a pas de. La partie où tu peux te blesser, c'est défensivement. Et l'autre chose. Si je joue contre Carey Price, je joue contre LeBron James, je vais tout faire pour pas le blesser. Non, c'est sûr. D'accord, tu es d'accord avec moi, là. C'est pas un match de saison régulière où l'organisation te paye pour battre les Bruins ou pour battre les Celtics. Fait que Kyrie Irving, il va pas arriver contre Steph Curry pour essayer de le battre comme si c'était un match de saison régulière. C'est un match d'étoiles. C'est un repos. En réalité, là, les joueurs qui ne vont pas au match d'étoiles sont pas si déçus que ça. Regarde, il y a un joueur des Canadiens qui doit travailler pendant le match d'étoiles, c'est Carey Price. Parce que je dis vraiment tout travailler. Il faut qu'il rencontre des journalistes, il faut qu'il se déplace, il faut qu'il prenne l'avion. Bon, c'est le fun, c'est à Tampa, là, c'est à Tampa, ouais, en Floride, c'est à Tampa. Oui, c'est exactement. Au basket, c'est à Los Angeles, fait que c'est le fun. Pour LeBron James, ça fait partie de sa business. Des vedettes comme LeBron James, mais il y a des joueurs qui disent, moi, je m'en vais chez moi, je vais passer tout le temps avec ma famille, je me repose, puis on repart pour la deuxième partie de la saison. Fait qu'un match d'étoiles en lui-même égale. Participation loufoque, relax, repos. Ouais, mais c'est quand même bon pour la négociation de contrat. C'est comme le Pro Bowl. Tu veux jouer le Pro Bowl, tu veux être sélectionné au Pro Bowl, mais tu veux pas jouer. Je te parle du match en particulier. Ouais, c'est ça. Ce match-là, là, tu vas pas signer un contrat de souliers après. La seule chose, un match d'étoiles, si tu gagnes le concours de 3 points, le concours de dunk, ça va te faire un petit peu de crédibilité pour la commanditaire. Le reste, là, oublie ça, Danny. Non, mais le match en lui-même ne vaut rien. Ça passe bien dans le CV de dire j'ai 7 nominations, 7 participations au Pro Bowl, mais tu veux pas jouer. Ça se passe bien. Non, mais ce que je voulais te dire, J'avais une idée, moi, puis dis-moi ce que t'en penses. L'Amérique du Nord, ça a déjà été essayé, ça, dans la Ligue nationale de hockey. L'Amérique du Nord contre l'Europe. Hein? Non, si tu regardes la NBA dans le week-end de basket, ouais. Il va avoir les Américains contre le monde. OK. OK? Ça, c'est les recrues et les deuxièmes années. Mais moi, je verrais... Jamal Murray joue pour l'équipe du coup. Exemple, Ben Simmons joue avec Jamal Murray parce qu'il vient d'Australie. Le match des recrues puis deuxième année existe maintenant. On les sépare en deux. Les Américains contre le monde. OK. Mais moi, je verrais ça à grandeur. Le vrai match des étoiles. Non? Tu sais ce qui va se passer cette année. Il y a un repêchage dans les matchs. Oui, c'est ça. Fait que là, en réalité, c'est tout le monde est mélangé. Là. Ben moi, j'aime pas ça. Tant que ça fait S-West, je suis un puriste. Choisissent. Ouais. Kevin Durant. C'est sûr. Ouais. On s'en reparle dans deux semaines, Pascal. Ça va être très intéressant parce qu'on va être à la date limite des échanges. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de rumeurs. Donc, ça va être. On rappelle que la date limite, c'est le 8 février. Donc, on s'en reparle dans 15 jours, Pascal. Absolument, Danny. Voilà, Pascal Jobin, le collaborateur NBA.